بسم الله الرحمن الرحيم. ندخل اليوم في باب التشهد بابور او شابيت دو تشهد سي لا تستاسيون كو لون في durant la salat en son milieu et à sa fin ou alors à sa fin directement s'il s'agit d'une salat de deux unités comme le fajr. يقول المؤلف رحمه الله تعالى في الحديث السادس عشر بعد المئة 116e حديث يقول عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد كفي بين كفيه كما يعلمني السورة من القرآن. Donc Abdullah ibn Mas'ud, radhiyallahu anhu, il a dit que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui a enseigné le tashahud, c'est-à-dire les termes de tashahud, en mettant ma main entre ses deux mains, tout comme il m'enseigne une sourate du Coran. C'est-à-dire il lui fait répéter et lui fait mémoriser. Donc il a dit At-tahiyatu lillah wa salawat wa tayyibat. Assalamu alayka ayyuha an-nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi as-salihin. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Donc c'est les termes, traduction relative à peu près, c'est التحيات لله, toutes les bonnes paroles sont pour Allah, salutations, toutes les bonnes paroles. والصلوات, ainsi que les salats que l'on accomplit. والطيبات, الطيبات, cela a été interprété comme étant toutes les bonnes œuvres, également tout ce qui est bon et qui revient à Allah Azza wa Jal comme attribut. Que tout ce qui est bon revient à Allah Azza wa Jal. Assalamu alayka ayyuha an-nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Que le salut soit sur toi, ô le prophète et la messager d'Allah, ainsi que sa baraka. Assalamu alayna wa ala ibadillah as-salihin. Que le salut soit sur nous, ainsi que sur les serviteurs d'Allah qui sont pieux. J'atteste qu'il n'y a de divinité digne d'être adorée ce n'est Allah et que Mohammed est son serviteur et messager. Dans une version, il est venu que si l'un d'entre vous s'assoit dans la salat, alors qu'il dise, et après cita le tashahud. Donc il dit, également dans une version, le Nabi Sassam il a dit, si jamais vous faites cela, vous aurez salué tout serviteur pieux qui est dans les cieux et sur terre, c'est-à-dire les hommes et les anges. Et dans une autre version, il dit, après avoir dit cela, que le serviteur, c'est-à-dire celui qui fait la salat, choisit ce qu'il veut comme invocation. Une fois qu'il a fini le tashahoud, par exemple, et que l'imam ne s'est pas encore relevé, il invoque par ce qu'il veut. Donc, Yakul Fadilat al-Sheikh al-Rawi ou Abdullah ibn Mas'ud, le rapporteur c'est Abdullah ibn Mas'ud. Dont on a déjà parlé auparavant. موضوع الحديث, le sujet du hadith, بيان كيفية التشهد وموضوعه من الصلاة أو موضوعه من الصلاة, qui est là pour démontrer le comment du tashahud, comment le faire, et également à quel moment le faire. ثم يقول الشرح الإجمالي, l'explication générale. يخبر عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه التشهد في الصلاة واعتنى بذلك حيث جعل صلى الله عليه وسلم كف ابن مسعود بين كفيه ولقنه إياه كما يلقنه السورة من القرآن. Donc عبد الله بن مسعود nous informe que le Nabi صلى الله عليه وسلم lui a enseigné le tashahud et que il a fait cela minutieusement car il lui a enseigné cela tout comme il enseignait une sourate du Coran et en lui prenant la main. ثم بين ابن مسعود ذلك التشهد. Ensuite, ابن مسعود a dit quel était ce tashahud, quelle en était la formule. بقوله التحيات لله إلى آخره. نعم. وإنما اعتنى صلى الله عليه وسلم بهذا التشهد لما يشتمل عليه من تعظيم الله وتجميده والإخلاص له والشهادة بوحدانية وصدق رسوله صلى الله عليه وسلم والتسليم والترحم والتبريك عليه. Et il a dit que le Nabi صلى الله عليه وسلم justement a pris grand soin à enseigner ce tashahud pour tout ce qu'il enferme, tout ce qu'il comporte comme glorification d'Allah, ainsi que la sincérité envers lui, ainsi que l'attestation de son unicité, ainsi que la véracité de son messager, sallallahu alayhi wa sallam. Et la salutation et la demande de miséricorde et de baraka sur lui, ainsi que sur le reste de la Ummah. قال وما يتضمنه من السلام الخاص بالمصلي والأمة الإسلامية وجميع عباد الله الصالحين في السماء والأرض. Également, qu'il y a une salutation qui est particulière au prophète, une qui est particulière à ceux qui font la salat, et une qui est générale, qui concerne toute la Ummah et tous les serviteurs pieux d'Allah Azzawajal dans les cieux et sur terre. Et également qu'à la fin, il lui permet de pouvoir invoquer par ce qu'il veut comme invocation. Yaqul min fawaid al-hadith, parmi les enseignements utiles du hadith à retenir. أن كيفية التشاهد في الصلاة ثم ذكر الألفاظ. Qu'il l'a dit, la première chose à retenir, c'est la formule justement de tashahoud à prononcer dans la salat. Donc après, il cita ce tashahoud évoqué dans le hadith. Et là, on précise que ce hadith est le hadith le plus authentique qu'il y ait, qui soit venu, d'accord, qui décrit le tashahoud. Il y a d'autres versions qui sont venues, d'autres versions avec d'autres termes. Celui-ci est le plus authentique. Thaniyan, anna mahal hada tashahoud al-ku'ud ba'd sajdati al-akhira. الأخيرة في كل صلاة وبعد ركعة الثانية والثلاثية والرباعية أيضا. Et que ce tashahoud on le fait lors de l'assise, après la dernière prosternation, ou alors également après la deuxième prosternation, lors d'une salat de trois unités ou de quatre unités. ثالثا وجوب هذا التشاهد في الصلاة وإن تشاهد بغيره مما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم جاز. Et qu'il est obligatoire de faire ce tashahoud dans la salat. Et que si jamais il le fait avec d'autres termes de ce qui était rendu authentique du Nabi sallallahu alayhi wa sallam, cela est permis. Et on précise que le premier tashahoud est une obligation et le dernier est un pilier dans la salat. Le premier est une obligation et le dernier est un pilier. Rabiran, hirs al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam ala ta'lim ummatihi wa inayatuhu bithalika, qui montre le souci que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a porté à enseigner à sa communauté et le soin qu'il a apporté. Khamisan, ahamiyat hada tashahud lian al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam allamahu ibn Mas'ud kama yu'allimu as-surata min al-Qur'an ma'al-imsak biyadih, qui montre l'importance de ce tashahoud, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'enseignait Ibn Mas'ud, tout comme il lui enseignait une sourate du Coran, tout en lui tenant la main. Sadisan fadilat Ibn Mas'ud radiallahu anhu, haythu kana mimman yatalaqqa al-Qur'an min al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ce qui montre le mérite et la valeur d'Ibn Mas'ud du fait que lui il a appris le Coran directement du Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Sabi'an anna al-lafz al-'am yatanawwal jami' al-afradih, que les termes généraux englobent tous les éléments qu'il renferme, ou les individus. Par exemple, là on dit, dans le tashahoud, la salutation sur « Ala ibadallah salihin ». On parle de qui à ce moment-là? De tous les serviteurs pieux d'Allah, azawajal. Sur tous les serviteurs pieux d'Allah, subhanahu wa ta'ala. « Thaminan jawaz al-du'a fi salati bima ahab ma lam yakun bima ahab ma lam yakun isma » et qu'il est permis d'invoquer durant la salat de ce que la personne souhaite, tant que cela n'est pas une chose qui appelle à un péché. Naam. هذا الذي أخذنا اليوم من هذا الحديث ونكتفي بهذا وسبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك واتوب إليك.